La vérité est-elle dans l'autoportrait? Que cherche-t-on quand on se prend en photo, quand on se peint, quand on montre son visage à d'autres que soi? Est-ce une quête de vérité ou une quête d'identité? Ou bien le simple plaisir de se montrer comme on est à ce moment donné? Pendant 40 ans, Rembrandt a peint près de 100 portraits de lui-même. Que cherchait-il? À s'idéaliser ou à se trouver? Pénétrons dans l'atelier du peintre en compagnie de son élève Fabricius, qui est en train de prendre un cours de peinture et de spiritualité. La beauté, c'est la vérité. Il est futile de la chercher dans l'idéal. Et bien plus sérieux de la trouver dans ce qui est là. Juste là, encore une fois. Fabricius. Oui, maître. Plus haut. Comme ça, maître. Là, tu y es. On ne bouge plus. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez de l'idéal. Ah oui, l'idéal, oui. Il faut se garder des grands élans d'esprit. Ce n'est pas prendre les choses par les bons bouts que d'aller chercher Dieu dans les nues. Où le chercher, alors? Dans l'humble chair de l'homme. C'est dans l'épaisseur des choses que je veux chercher Dieu. Bonjour Michel Guérin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, vous avez consacré un ouvrage à la peinture, Origine de la peinture, sur Rembrandt, Cézanne et l'immémorial aux éditions Encre Marine. Vous êtes déjà venu nous parler de Rembrandt à ce même micro et je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans le cadre de cette série sur le visage. On vient d'entendre un extrait du film de Charles Maton sur Rembrandt justement, qui date de 1999, dans lequel on entend Rembrandt dire que ce qui l'intéresse n'est pas l'idéal au sens de Dieu, au sens de désincarné, mais c'est de pénétrer l'humble chair du corps. C'est une bonne manière de caractériser sa peinture? Je pense même que c'est la meilleure, parce que, en effet, la peinture de Rembrandt n'est pas indexée sur un idéal. Et c'est même toute la différence, par exemple, avec la peinture italo-française, avec la grande peinture classique, telle que les Florentins l'ont léguée à la tradition. Celui qui a le premier, je crois, sur le plan philosophique, bien vu cette différence, avant que Svetlana Alpers, l'historienne de l'art américaine, ne consacre à cela plusieurs livres, dont l'Atelier de Rembrandt, qui est un excellent livre, j'y reviendrai peut-être, oui. Mais aussi l'art de dépeindre. Celui, dis-je, qui le premier a insisté sur ce point, c'est Georg Simmel, le sociologue allemand, dans un livre qu'il a publié sur Rembrandt, en 1916, lorsqu'il enseignait à Strasbourg, l'Alsace était à ce moment-là allemande, et le point fort de ce livre de Simmel, c'est justement de montrer la différence, plus que la différence, la divergence entre l'art italien, dans la tradition d'Alberti, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, qui recherche une idéalisation des personnages, et par conséquent aussi, naturellement, des visages. Tandis que l'art de Rembrandt est indexé sur le temps, est indexé sur l'intimité, est indexé par conséquent sur la chair, par cela même qui fait qu'un homme est livré, est exposé à la contingence du « il y a » et par conséquent aussi est exposé à la grâce éventuelle de l'amour. Car la chair, c'est à la fois ce qui choie, ce qui tombe, et ce qui en même temps élève l'individu vers une sorte de grâce supérieure que les chrétiens appellent la caritas. Autrement dit, d'un côté c'est la concupiscence ou la cupidité, et Dieu sait que Rembrandt n'a pas ignoré cet aspect de la chair, et d'un autre côté c'est la caritas. Mais surtout, ce qui relie les deux, c'est que la chair, c'est la vie, donc c'est la mort, car la vie est ce qui meurt. Et celui qui a aussi bien vu ça, c'est Tertullien. J'ai retrouvé, un peu par hasard, en relisant le Contre-Martion de Tertullien, une formule extraordinaire. Il parle de la caro passibilis et mortalis. Je traduirai en disant la chair passible et mortelle. Oui, mais si c'est la chair qui intéressait en Rembrandt, pourquoi peindre son propre visage? Il y avait d'autres façons de dépeindre cette chair. Il y a bien quelque chose qui l'intriguait. J'ai dit qu'il peignait, il avait peint une centaine d'autoportraits en 40 ans. Il n'y a pas d'autre équivalent dans l'histoire de l'art. Oui. Pourquoi son visage? Ben parce que le visage, c'est la chair. Ben autre, la chair, c'est tout le corps. Ben non, la chair, ce n'est pas le corps. Qu'est-ce qui distingue le visage du corps? Bien sûr, le distinguo est à la fois essentiel Et en même temps, il peut paraître, je dirais, en première analyse, il peut paraître pédant, sinon pédant, du moins controuvé ou artificiel. Mais en même temps, vous savez bien que le christianisme est fondé sur cette différence entre le corps et la chair. Théologiquement, le corps n'est pas la chair. Le corps, c'est ce qui fait que un individu est déliné. C'est ce qui fait qu'il est susceptible d'une dénotation. Mmh. On peut le signifier, on peut le nommer, on peut le contourner, on peut le circonscrire. La chair, c'est ce qui échappe au corps. Et c'est ce qu'a, d'une certaine façon, vu dans son langage à lui, Lévinas, dont je crois nous avons parlé hier. C'est que effectivement, le visage, c'est ce par quoi j'échappe à mon corps, c'est-à-dire j'échappe à ce qui, de mon corps, relève de l'extérieur. Parce que le corps, il occupe une place dans l'espace. Il est comme tous les objets. Ce n'est pas un objet, mais comme tous les objets, il occupe une place dans l'espace. Le visage, non. Le visage échappe. Le visage fait défection par rapport à la phénoménalité. Et c'est ça qui fait que la chair s'exprime, je dirais, par deux voies essentielles. Mmh. La première, le visage, et la seconde, les mains. Et Dieu sait que les mains, il y en a chez Rembrandt. Et quelles mains ? Les mains du peintre lui-même dans certains autoportraits, notamment le magnifique autoportrait de New York, de la Fick Collection, de 1658, si ma mémoire est bonne, où Rembrandt se représente, c'est pas le mot qui convient, je vais y revenir tout à l'heure, justement, mais où il est là, présent face à nous, avec tous les attributs de la souveraineté du peintre, mais pas du peintre du Doctus Pictor albertien. La souveraineté. On peut dire celui où il est en costume, voilà, avec une ceinture, avec une ceinture très rouge, élégant, un chapeau noir, grande élégance, avec une canne, la canne qui a remplacé un petit peu le pincello, qui a remplacé le pinceau, dans cet autoportrait-là, alors que d'autres, à peu près de la même époque, le représentent avec palette et pinceau. Donc, regardez les mains de Rembrandt. Celle qui tient la canne en particulier dans ce portrait, c'est extraordinaire. Regardez les mains de Bethsabée, donc de Henrique, ce nu magnifique, ce nu charnel au possible, qu'il a peint dans les années 50 également. Les mains, la main gauche en particulier de Bethsabée, nous retient immédiatement. Donc la main et le visage sont, je dirais, des non-organes, sont ce par quoi de l'infini se propose dans le fini. Quelque chose vient dans l'exposition, vient dans le paraître, qui n'est pas de l'ordre du paraître, qui surclasse complètement l'ordre du paraître. On va regarder ensemble l'évolution de ces autoportraits au fil des ans et s'arrêter sur quelques-uns d'entre eux. Mais avant cela, Michel Guérin, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que la clé, alors je ne prétends pas détenir le mystère de ces autoportraits, enfin détenir la solution, détenir la clé qui nous permettra d'expliquer ces autoportraits, mais que celle-ci ne se trouve pas du côté de la psychologie. C'est-à-dire que Rembrandt n'essaye pas de chercher qui il est en reproduisant son visage. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah, complètement. Complètement. Et je crois que la distinction même doit être approfondie en ce sens que ce que questionne le visage de Rembrandt dans l'autoportrait, par l'intermédiaire du miroir, je pense que nous reviendrons tout à l'heure sur cet instrument étonnant et paradoxal, quel miroir qui à la fois rapproche la face d'elle-même, mais en même temps la distancie absolument, la renvoie vers une sorte de vertige de l'inaccessible. Donc, ce que Rembrandt montre dans l'autoportrait, c'est justement ce qui ne tient pas dans le paraître, ce qui fait exploser, ce qui fait défection par rapport à la phénoménalité. Ce qui est paradoxal, ressaisir ce que l'on voit pour montrer ce que l'on ne voit pas. Ben oui, mais c'est ça justement qui fait la différence entre le portrait et l'autoportrait. C'est que l'autoportrait, vous savez, il y a deux traditions, je m'interromps parce que je crois que je vais reprendre ce sujet-là par un autre biais. Il y a deux grandes traditions de la peinture que rappelle l'histoire de l'art incessamment. D'une part, il y a la tradition plinienne et d'autre part, il y a la tradition d'Alberti, du De Pictura, qui veut que ce soit Narcisse qui a été le promoteur de la peinture. Donc d'un côté, vous avez Narcisse, le face-à-face, et d'un autre côté, vous avez la jeune Corinthienne, c'est-à-dire le profil qui est lié à l'autre. Lorsqu'elle dessine à l'aide d'une bougie sur le mur, lorsqu'elle circonscrit le corps de son amant qui va partir, nous sommes dans l'altérité et dans le profil. Mmh. Lorsque Narcisse se regarde dans l'eau, à ses risques et périls, bien entendu, et c'est là où on touche la dualité du miroir, nous sommes dans le face-à-face. Autrement dit, le face-à-face, c'est moi. Le face-à-face, c'est moi, ce n'est pas le sujet. Et là, je suis obligé Le moi, c'est pas le sujet, le vous distinguez les deux. Le moi, c'est pas le sujet. Bon, j'ai personnellement consacré beaucoup de textes dans mon travail de philosophe à cette question des catégories je, moi, sujet, que je résumerai en très peu de mots. Le moi, ce n'est pas le moi freudien. Le moi, ce n'est pas le moi je. Le moi, c'est ce que j'appelle le moi monde. C'est-à-dire, c'est le moi de Montaigne. C'est le moi matière. C'est le moi charnel. C'est moi que je peins, d'ailleurs, dit Montaigne. C'est moi que je peins, tout à fait. Et en même temps, c'est, comme dit Montaigne, dans notre vie, nous ne cessons de bâtir la mort. Donc ce moi, c'est un moi qui est mortel, qui est passible, au sens de Tertullien, qui est passif, mais en même temps réceptif. La notion de passibilis chez Tertullien signifie ça, les deux choses à la fois, elle est appliquée au Christ. C'est-à-dire qu'elle est une capacité infinie de réceptivité, d'amour, de grâce, de souffrance aussi. Mais en même temps, une passivité, c'est-à-dire que le sujet qui lui est action, qui lui est volonté, qui lui est décision, ne s'y retrouve pas. Donc il faut bien, à un moment donné, séparer le sujet et le moi. Je dirais que le sujet est du côté du pouvoir, le sujet est du côté de la représentation, le sujet est toujours en majesté, le sujet est emphatique. Au fond, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais ceci, c'est que le sujet est un artefact psychologique. Le sujet est sa propre représentation. Le sujet fait des représentations, y compris au sens combinatoire du terme. Et la diplomatie ne l'a pas oublié. On fait des représentations. Mais en même temps, le sujet coïncide absolument avec son être représenté. Le moi, non. Le moi échappe à cela parce qu'il est poreux, parce qu'il est ouvert sur la chair du monde, parce qu'il communique avec les choses et les êtres. Donc c'est un moi qui n'est pas psychologique, c'est un qu'on moi qui ne peut n'est pas, pas du définir, tout psychologique, qui est fait de générosité, qui est fait de générosité, qui est fait de trois choses, de temporalité, de chair, il est charnel, et de mort, il est mortel. Alors on va prendre des cas particuliers. Avant cela, écoutons la voix de Paul Ricoeur. Vous rappeliez l'importance du miroir dans la réalisation des autoportraits. Oui. Paul Ricoeur, en 1994, ne disait pas autre chose. Le tableau dit autoportrait de Rembrandt, il n'est pas écrit sur le visage peint que celui dont on dit qu'il l'a peint est le même. Et d'abord parce qu'il y a un intermédiaire aboli, qui est le miroir. N'est-ce pas ? Le peintre se voit dans le miroir et peint ce qu'il voit dans le miroir. Si bien qu'il y a, si je peux dire, trois visages en rapport. Il y a le visage qui ne se voit pas de celui qui est en train de peindre, le visage reflété dans le miroir, mais qui disparaît, et le visage peint. Et c'est ce visage peint qui est celui sur lequel Rembrandt scrute les ravages de l'âge, de l'échec, de la misère. Et par conséquent, il ne se connaît qu'à travers un miroir aboli et en se créant comme œuvre. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Et il est cocasse, Michel Guérin, que pour cette émission sur le maître du clair-obscur, nous inaugurions le nouveau studio de France Culture, auquel le terme de clair-obscur s'applique assez bien. D'ailleurs, je dois dire, il faut l'imaginer, chers auditeurs, peut-être qu'on mettra des photos là aussi. Rembrandt, les autoportraits. Alors, rappelons quelque chose. Rembrandt est né en 1606, il meurt en 1669. Il est surtout connu de son vivant pour la leçon d'anatomie en 1632, la ronde de nuit en 1642. Les autoportraits l'accompagnent tout au long de sa carrière. Est-ce qu'on sait à peu près de quand date le premier autoportrait ? Oui, les tout premiers autoportraits datent, il a à peu près 20 ans. Les premiers autoportraits véritablement, qui sont déjà des chefs-d'œuvre, en peinture, c'est 1628. 1628 et 1629. L'année 29 est particulièrement riche en autoportraits où on voit Rembrandt habillé de costumé, plutôt paré de chapeaux, de velours, de damassure, de collier. Il s'amuse beaucoup avec ça, non? Avec ses costumes. Oui, on a l'impression qu'il y a presque un jeu d'apparat. On a eu une vision un peu romantique, un peu trop romantique de Rembrandt. à laquelle Malraux lui-même a participé en disant que, en écrivant dans l'irréel, que Rembrandt était le premier peintre maudit. Mais ça remonte au romantisme, ça remonte aussi à Baudelaire. Lorsque Baudelaire dit « Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures », ça nous donne le sentiment d'un être souffrant, solitaire, loin du monde, etc. Or, c'est tout le contraire. Jusqu'à la mort de Saskia, 1642... Son épouse, qui coïncide en même temps avec la Ronde de Nuit, qui est un demi-succès, parce que les commanditaires ne sont pas franchement contents du tableau. Jusqu'à 1642, Rembrandt vit dans une sorte de luxe, je dirais de la chair, de la concupiscence. Il vit avec Saskia une vie érotique, heureuse, indéniablement. Il suffit de regarder Le Fils prodigue à l'auberge, qu'on trouve au Zwinger de Dresde, où on voit les deux visages purpurins, le Rembrandt, le fils prodigue, qui lève son verre, qui se retourne un petit peu vers nous, vers les spectateurs, en disant « Hey, salut, à la vôtre, venez avec nous, on est au... vous devinez où ?» Et on, au bordel. Ils sont dans une maison, dans une maison de plaisir, et voilà, ils fêtent la vie comme il faut. Donc ce Rembrandt-là est un Rembrandt qui a des élèves, qui aime le théâtre, qui aime les costumes, qui peint dans son atelier devant ses élèves. Il a eu parmi ses élèves Oxtraten, il a eu Gérardoux, et avec ses élèves, il les déguise, il les peint. À travers des petites actions, des scénettes. Donc, tout va bien. Il vend beaucoup de gravures. Il achète énormément d'œuvres. Il se ruine en achat d'œuvres. Donc, vous voyez, Rembrandt n'est pas étranger au marché, n'est pas étranger aux autres, n'est pas étranger au plaisir. Avant la mort de son épouse, en tout cas. Voilà. Il y a un basculement, indéniablement, dans la vie de Rembrandt. À partir, bien sûr, de la mort de son épouse Saskia, mais qui va s'approfondir à partir des années 50, comme on le voit très bien reflété dans les trois magnifiques autoportraits du musée de Vienne. 55-57. Alors, essayons de regarder. Voilà, comparons par exemple un autoportrait de 1628, justement, qu'on oui. appelle le chevalet. On a oui. cette, ah, oui. ce sens de la mise en scène. Le oui. peintre est en arrière-plan. Voilà. Le chevalet est incliné, mais on n'en voit que l'arrière et pas oui. ce qui est représenté. Le spectateur, parce que c'est vraiment plus qu'un... Enfin, on regarde le tableau comme on assisterait à un spectacle, se demande quel est le sujet du tableau. Est-ce ce chevalet montré de dos ou l'artiste qui semble lointain, dont on n'arrive pas vraiment à définir les traits du visage? Si on compare celui-ci aux autoportraits plus tardifs dont vous parlez en 1657 ou même 1658, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence? Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est peut-être pas avec cet autoportrait que la différence est la plus nette, mais vous avez bien raison de le citer parce que il est singulier. Je vais d'abord y venir et puis ensuite je reprendrai l'autre question. Il est singulier pourquoi? Parce que ce qui est fêté, c'est la peinture. Dans le tout premier, donc 1628. De 1628. Ouais. Vous avez vu que le peintre est tout à fait au fond du ouais. tableau. Il est tout petit. Le chevalet est énorme. Et on ne voit pas la peinture, on ne voit pas parce qu'elle est trop grande pour être montrée sur le même plan que, je dirais, que les autres ingrédients du tableau. Donc c'est une protestation d'humilité de la part de Rembrandt. Mais la véritable différence, le contraste, il est, par exemple, entre le jeune homme à la plume, au chapeau à plume, qui doit être, si je ne m'abuse, de 1629, qui est vêtu d'un pourpoint dans les couleurs bleu-gris assez beau, avec un collier, avec une grande plume à son chapeau. Le contraste, il est entre ce genre ouais. de peinture, et puis d'autre part, par exemple, ce magnifique autoportrait du Kunsthistorisches Museum de Vienne, de 1655 ou 57, les historiens là-dessus discutent, qui montre un Rembrandt massif, matériel, fatigué, avec le visage plissé, avec des yeux qui ont l'air de scruter le vide, finalement. Plus que plissé, son visage, on dirait qu'il a des excès de chair. Des excès comme de chair, des protubérances. Oui, il est presque boursouflé. Oui. Et cependant, tout en étant boursouflé, tout en étant épaissi, matériel, il n'est pas flasque. Il y a quelque chose de robuste malgré la fatigue et malgré l'âge. Et ce portrait me fait penser à une phrase magnifique de Goethe, qui admirait beaucoup Rembrandt, et qui a écrit d'ailleurs un texte, Goethe, qui s'appelle Rembrandt le penseur, me fait penser à une phrase de Goethe qui dit ceci: « L'âge est retrait, marche après marche, hors de la phénoménalité. » Ben, je crois que cet autoportrait de Rembrandt, mais d'autres aussi plus tard, sont l'illustration de cette phrase de Goethe: « L'âge l'âge correspond au visage. L'âge n'est pas majestueuse. L'âge est intime. L'âge est une souffrance qui ronge finalement la chair. Et de ce point de vue-là, effectivement, elle se met aus der Erscheinung, dit Goethe, hors de la phénoménalité. Mais ce retrait-là, c'est un retrait qui est stufenweises, c'est-à-dire marche après marche. Et quand vous regardez toute la série des autoportraits de Rembrandt, qu'il s'agisse de gravures ou de peintures, vous vous apercevez en effet que de plus en plus, il est décati. Il est encore massif, mais très, très fatigué, très, presque malade dans ce portrait de Vienne de 1655. Mais si vous prenez le dernier autoportrait de l'année de sa mort, 1669, là, vous voyez un vieillard qui est tout blanc, tout émacié, et dont finalement le visage ne paraît que pour disparaître. Donc il se retire bien, en effet, il fait bien défection, et là je reprends une formule de Lévinas à la lettre, il fait bien défection hors de la phénoménalité. Ouais, mais... comme si Lévinas avait lu cette phrase de Goethe. Mais la vieillesse n'est pas la mort, un visage vieilli... Ah, j'ai jamais dit que la vieillesse était la mort. Si on dit que un visage vieilli se retire du champ de la phénoménalité, c'est comme si c'était déjà un début de mort, ce qui n'est pas faux, mais pas en termes d'apparence. Non, un visage vieux est tout autant phénoménal qu'un visage plus jeune. Non, mais la phénoménalité, c'est pas... l'absence de phénoménalité n'est pas identique à la mort. Il y a dans tout visage, y compris les visages jeunes, ce mouvement, encore une fois, d'échapper à la phénoménalité, ce mouvement paradoxal du visage, d'aller à contre-courant de l'apparaître. Si on avait le temps, il y a quand même toute une série de portraits qui le montrent bien, c'est les portraits du Fayum, où vous êtes absolument frappé par ce naturel, sans naturalisme, comme si les enfants, les jeunes gens, les vieillards qui sont dont on voit les visages, on les avait rencontrés hier dans la rue, et cependant ils sont en train de vivre au-delà de la vie. Ils sont déjà dans la mort. Seulement c'est la mort égyptienne, c'est-à-dire c'est une mort qui dure éternellement. Nous sommes là dans la Syrie romaine. Et ce qui est étrange dans ces portraits, c'est qu'ils ne sont pas du tout naturalistes. On n'est pas ni chez Courbet, ni chez Zola, ni qui que ce soit de ce genre. Et cependant, ils ont un naturel qui fait qu'on dit, mais au fond, c'est l'expression même, c'est l'esprit même de ce qu'ont été ces êtres. Ils sont là. Mais on se dit la même chose de Rembrandt dans ses autoportraits. On est dans la présence, on n'est pas dans la représentation. C'est ça qui fait peut-être le lien. Alors, aidez-nous à distinguer entre présence et représentation. Alors, là, pour ça, on a un instrument bien simple, qui est la différence entre le portrait, du moins dans sa tradition, et l'autoportrait. L'autoportrait est une, à mon avis, est une contestation du portrait. Le portrait est le portrait en général de profil ou de trois quarts de quelqu'un dont on essaie de reproduire les traits du visage de manière non seulement ressemblante, mais si possible de manière idéalisée ou magnifiée. Le commanditaire d'un portrait n'attend pas qu'on le peigne de façon défavorable, il attend au contraire qu'on l'embellisse. Donc le portrait est lié à une certaine forme de majesté. Et ce qui est très curieux, c'est que ça s'est transmis des princes aux bourgeois. Parce que les grands portraits, par exemple de la Renaissance, je pense au portrait du duc de Montefeltre fait par Piero della Francesca, qui est un magnifique portrait de profil. On voit tout le paysage derrière et on voit cet homme de pouvoir qui domine véritablement la plaine, quoi. Mais cette impression de puissance, cette majesté, elle s'est transmise aux bourgeois, y compris aux bourgeois hollandais de l'époque de Rembrandt, ceux qui demandaient les drapiers, le syndic de ceci, le capitaine Badenkoch, qui demandaient que justement on les reproduise, on les représente à leur avantage, et je dirais même en pied et en majesté. Bon. L'autoportrait, c'est pas ça. L'autoportrait, ça suppose la solitude. Ça suppose un duel, un dialogue et un duel, non pas avec soi-même, mais avec le miroir. Ça suppose justement que le miroir soit instrument de défection. Et là, je retrouve cette idée du visage comme faisant défection par rapport à la phénoménalité. Le face-à-face du miroir ne consiste pas à représenter par l'intermédiaire du miroir la face. Il consiste à représenter le face-à-face comme impossible. D'ailleurs, il y a une phrase d'Antonin Artaud qui dit, étrangement, qui dit « L'homme attend toujours son vrai visage ». Et d'ailleurs, on a cette image d'Antonin Artaud. Les auditeurs qui auront cette photo en tête le voient bien, ce visage d'Antonin Artaud qui nous regarde, voilà. Qui semble tourner la tête pour nous fixer, ouais. Comme si c'était un autoportrait, justement. Mais alors, pour essayer de voir si ce que vous dites tient dans l'histoire de la peinture en général ou uniquement chez Rembrandt, si on compare avec d'autres autoportraits, par exemple, qui sont à peu près de la même époque, Nicolas Poussin en 1650, pour vous, c'est la même chose, cet autoportrait là, peint pour Paul Fréard de Chanteloup, qui est au musée du Louvre. Donc, oui. 1650, c'est exactement un contemporain de Rembrandt. Quelle différence ? Elle est majeure. Poussin peint moins Nicolas Poussin que le peintre philosophe, lecteur de Platon, de Descartes et compagnie. Donc, il veut se représenter. Il est du côté du portrait et non pas de l'autoportrait. Il se représente en tant que peintre. Ouais. En tant que, je dirais, comme Alberti, en tant que Doctus Pictor. En tant que, non pas. Le sujet, justement. Non pas comme Homo Faber, non pas comme artisan. Ce que Rembrandt revendique contre Rubens. Poussin se représente en libéral, c'est-à-dire en grand. C'est un grand peintre, mais c'est un grand tout court. Un peu comme Rubens, lorsqu'il recevait dans son atelier, tout en dictant des lettres, continuant la conversation, etc., etc. Tandis que Rembrandt, lui, revendique complètement sa facture. Il revendique complètement sa dimension artisanale. Il y a chez Poussin, dans l'autoportrait de Poussin, quelque chose qui est de l'ordre de la représentation. Nous sommes dans la représentation. Mais jusqu'où tient cette distinction ? Rembrandt aussi se représente comme peintre. Rembrandt aussi veut insister peut-être sur une image de l'humilité ou de la pauvreté ou de la vieillesse. On ne peut jamais échapper complètement à cet art de la représentation. Bien entendu, on ne peut jamais échapper complètement. Et c'est cohérent avec ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le face-à-face est un échec. Le face-à-face doit bien, comment dirais-je, constater que le miroir ne me rend pas ma vraie face, mais il la confisque. C'est-à-dire qu'il me met face à l'abîme. C'est pour ça que, je retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la psychologie, nous ne sommes pas dans le qui suis-je. Nous sommes dans le que suis-je. Parce que se regarder au miroir pour un peintre, c'est accepter de se perdre. C'est accepter de trouver quelque chose en peinture, mais dont il n'est pas assuré, c'est un petit peu ce que disait Ricoeur, c'est une des significations, me semble-t-il, du texte de Ricoeur qui a été lu, dont il n'est pas assuré que ce soit lui-même. Donc, en effet, nous ne sommes pas du tout dans la psychologie. Je ne dis pas que nous soyons dans la psychologie avec Poussin, certainement pas, mais nous sommes dans une certaine idée de la peinture, comme prospect, c'est-à-dire comme quelque chose qui relève de la philosophie. Et je dirais que Poussin peint moins son autoportrait qu'il ne peint le peintre philosophe. Philosophe. Le peintre philosophe. Pour vous, Rembrandt est un philosophe. Ah, philosophe. Rembrandt, je ne crois pas qu'on puisse dire que Rembrandt soit un philosophe. On peut dire avec Goethe que c'est un penseur, puisque le petit texte de Goethe que j'alléguais tout à l'heure s'intitule comme ça, Rembrandt le penseur. Il y a une phrase de Rembrandt aussi qui dit ceci, qui dit « Je cesse de peindre lorsque je cesse de penser ». Donc qu'un grand artiste soit aussi un penseur, surtout un grand artiste de l'autoportrait, et qui dans l'autoportrait a posé la question métaphysique, c'est-à-dire non pas qui suis-je, quelle est mon identité, quel est mon métier, quels sont mes amis, quels sont mes traits de caractère, ça ne l'intéresse pas, c'est pas intéressant du tout. Ce qui l'intéresse, c'est que suis-je ? C'est la question métaphysique même, c'est la question du « il y a », c'est l'effarement devant la rencontre de cette contingence, de ce corps qui est là, de ce visage qui m'échappe, qui est moi, bien entendu, mais qui ne sera jamais érigé chez Rembrandt en sujet. Même quand Rembrandt se peint en, je dirais que la manière qu'il a de se peindre en est une façon de plus d'échapper encore à la subjectivité. Mmh. Et à l'objectivité, donc, puisqu'il n'y a de subjectivité que par l'objectivité et réciproquement. Rembrandt échappe à la représentation en, d'une certaine façon, jusqu'à la fin, en se costumant. Parce que ces costumes font de la distance. Ils ajoutent encore à l'impression que, ben non, il n'est pas là vraiment, c'est de l'absence. Il y a un jeu de l'absence et de la présence qui est le fait même du miroir. Puisque vous avez prononcé le terme d'effaré, qu'on retrouve dans le titre de l'un de vos livres consacrés à Rembrandt, à la peinture effarée, évoquons un portrait qui est beaucoup plus tardif, mais auquel peut-être on pense en vous écoutant, et quand on pense à un visage effaré, on peut penser au portrait de Courbet. justement, ah, qu'on appelle oui. Le Désespéré, 1845, donc 200 ans plus tard. Bien sûr. Là encore, si on devait comparer un autoportrait de Rembrandt avec celui de Courbet, quelle serait la différence? Ah, elle est énorme, la différence. J'imagine bien. Elle est énorme. Courbet, vous rappelez la date? 1845. Voilà. Eh bien, je dirais que Pinel et Esquirol sont passés par là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un portrait qui est commandé par une vision psychiatrique de certains individus, un petit peu comme les monomanes de Géricault quelques années auparavant. Et j'irais même jusqu'à remonter plus loin encore à la série de Lebrun sur les passions. Il y a dans Courbet une volonté de traiter en extériorité une crise, qui peut être une crise de démence, bon, ça s'appelle le désespéré, une crise de folie, une crise de désespoir, mais en tout cas une crise. Et là, nous sommes effectivement dans quelque chose qu'il faut bien appeler le réalisme. C'est-à-dire que nous sommes dans l'extériorité, nous sommes dans une certaine forme d'objectivité. Oui et non, parce que le portrait, le visage est particulièrement presque parfait, ses traits sont fins, sont réguliers, il y a presque une idéalisation ici de la crise. Mais oui, mais c'est pas parce que les traits sont fins et la touche lisse. C'est un très beau jeune homme qui est plus beau qu'effrayant. Alors que s'il est en proie à une crise de folie, c'est l'effroi qui... Je dis pas qu'il est effrayant, non, pas plus que certains monomanes de Géricault quelques années auparavant. Mais il y a une volonté chez le peintre de dépeindre, de traduire en images de peinture, certains sujets anomiques. Et par conséquent, ça relève d'une certaine forme d'objectivité, d'une certaine forme de réalisme objectif. Et chez Rembrandt, alors là, on est au plus loin de tout ça. Ce n'est pas pour diminuer le talent de Courbet, qui est un très très grand peintre, mais c'est pour accentuer, je crois, comme il le faut, la différence entre cette vision déjà moderne au sens scientifique du terme, qui est celle de Géricault et de Courbet, et celle de Rembrandt, qui est une vision métaphysique. Même si, chez Rembrandt, on n'est pas dans la religion, il n'y a pas, Dieu n'est pas là à tous les carrefours. Ouais. On est dans un spirituel, mais qui n'est pas indexé sur une religion donnée. Voilà. Mais on est dans le spirituel avec Rembrandt. On est dans un infini, on est dans une ombre, on est dans une lumière qui passe par l'ombre. Et ce n'est pas l'ombre des païens, ce n'est pas la schiagraphie, celle qui sert à tromper, celle qui sert à faire passer l'apparence pour maîtresse en toute chose. C'est l'ombre des chrétiens, c'est l'ombre du christianisme, c'est-à-dire c'est l'ombre qui fait de la lumière. Alors reprenons un portrait, essayons de le décrire en laissant la parole à l'artiste Zhao Wuoqi qui décrit pour vous, l'autoportrait avec Saskia de 1635. Il arrive un tableau qu'il a fait, Saskia sur ses genoux, en train de boire un verre. Et visiblement que Rembrandt était très heureux. Ce tableau présente sa femme sur ses genoux, et la lumière était sur Saskia, et trois cas sur sa figure. Mais le côté gauche est tout à fait allumé, sauf le côté droit, il y a un triangle de noir. Et tout est allumé par Saskia. Je crois que le plus important dans ce tableau, c'est déjà une conception d'impressionniste. Ce n'est pas la conception de tableau classique. Il prend le tableau pas comme un sujet. Et le sujet est mêlé avec le fond. Tout est ensemble, c'est un tableau entier. Alors sa peinture est une création totale, une liberté totale. Je crois que c'est plus important. Michel Guérin, un tableau impressionniste, l'autoportrait de Rembrandt avec Saskia, vous êtes d'accord? Non, je n'emploierai pas ce qualificatif. Ce que je retiendrai de ce portrait, mais pas seulement de celui-ci, d'autres également, c'est en effet une certaine façon de traiter le fond comme aussi important que la figure. Mmh. Pour bien montrer à quel point le visage n'est pas, comme c'est le cas dans les portraits de sujets, c'est-à-dire de ces artefacts psychologiques toujours en représentation dont je parlais il y a un petit moment, pour bien montrer à quel point le visage ne cesse pas de se faire et de se défaire. Pas oublier que la face, faciès, ça vient de faquere et faire. Donc faire face, c'est une redondance, quand on y regarde bien. Mais en même temps, faire face, c'est plus qu'une redondance, c'est aussi un échec. Parce que on ne peut pas faire entrer l'infini dans le fini. Et là, je me retrouve avec Lévinas. En effet, le visage, c'est l'infini. Et l'infini n'entre pas dans le fini. Mmh. On ne peut pas totaliser les éléments qui constituent un visage. On peut totaliser les éléments qui constituent un portrait, pas un visage. Et de ce point de vue-là, la grande différence, et là je suis obligé de rendre hommage, je le fais volontiers d'ailleurs, à Svetlana Alpers, qui a montré dans le sillage de Simmel, qui a bien montré la différence entre ce qu'elle appelle le modèle albertien de la peinture, qu'on trouve dans le De Pictura d'Alberti, et d'autre part le modèle qu'elle appelle keplérien, peu importe, le modèle empiriste, le modèle hollandais, qui est aux antipodes de l'idéalisation. Or, il faut quand même rappeler quelque chose du modèle albertien. Il passe par quoi ? Par la métaphore de la fenêtre. La fenêtre, hein, la fenêtre ouverte, dont parle le De Pictura, ex qua historia contuetur, à partir de laquelle l'histoire, c'est-à-dire le sujet, l'action, la grande action, est intuitionnée. On n'est pas dans le naturalisme. La fenêtre ouverte, elle n'est pas ouverte sur le monde, comme on le lit quelquefois chez des pédants ignorants qui confondent un peu Alberti avec Zola. Elle n'est pas ouverte sur le monde, elle est ouverte sur l'histoire. Or, chez Rembrandt, il n'y a pas de fenêtre ouverte sur l'histoire. Il n'y a pas cette perspective historisante et idéalisante de l'historia. Il n'y a pas d'historia chez Rembrandt. Il y a du temps, en revanche. Mais c'est le temps qui passe. Le temps oui. Subjectif. Ah oui, ah oui. Presque la durée, disait Bergson. Ah oui, on n'est pas dans l'espace, on est bel et bien dans le temps. Et non seulement dans le temps, mais dans le temps intime, dans le temps intérieur, dans le temps qui coïncide avec l'existence. Et d'une certaine façon même, qui la ronge. Est-ce qu'on pourrait dire que ce que peint Rembrandt dans ses autoportraits, c'est aussi l'acte même de regarder ? Ah oui. Est-ce qu'il nous regarde autant qu'on le regarde ? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, écoutez, visus, ça veut dire quoi en latin ? Visus, visus, ça veut dire vu et ça veut dire voyant. Donc le visage, c'est le vu voyant ou le voyant vu, comme on voudra. Mais ça veut dire que aucun visage ne peut se réduire à une perception unilatérale. Il n'y a visage que si la vue m'est rendue. D'où, effectivement, le face-à-face. On retrouverait là des thèmes que Merleau-Ponty a d'une certaine façon abordés dans l'œil et l'esprit, et même dans le visible et l'invisible, et qui se relient aussi à la chair, y compris la chair du monde. C'est que je ne peux voir sans être vu. Je ne peux être animal voyant qu'en étant moi-même exposé à la vue. Et c'est aussi ça, la chair, c'est d'être exposé à la vue, d'exposer à toutes sortes de risques, dont celui d'être vu. Le sujet, lui, n'a pas de, je dirais, ne craint qu'une chose, c'est que son plâtre s'effondre, puisque c'est un artefact. Mmh. Il n'a qu'une trouille, si je puis dire, c'est de perdre la face. Le visage, non, parce que le visage est pure recherche de la face. Et donc, il ne consiste, en effet, que dans ce face-à-face. Non pas dans une face exactement restituée. Ça, c'est une idée totalement à côté. Aucune face n'est correctement restituée. Et là, je ferai un rapprochement, curieusement, avec la Vera Icona, c'est-à-dire avec l'image à Kaiopoyet, l'image du Christ qui n'est pas fabriquée de main d'homme, l'image naturelle. C'est la seule image qui puisse revendiquer son authenticité et sa fidélité, sa véracité, la Vera Icona, justement parce qu'elle n'est pas faite de main d'homme. Parce qu'elle n'est pas artificielle, parce qu'elle n'est pas d'emprunt, parce qu'elle est la vraie image. Or, l'homme ne peut pas toucher en lui cette vraie image, il ne peut que s'y efforcer, et il ne peut que peindre des autoportraits sous forme d'énigmes, sous forme d'aporie, sous forme de questions ouvertes. Et que pourtant, suis-je ? Qu'en est-il ? Oui, mais le visage reste. Alors, question d'époque aussi, c'était pas un moment où la peinture ressemblait à ce qu'on appellera plus tard l'art abstrait, mais il se peint lui-même. Il peint quelque chose, il ne peint pas simplement l'impossibilité de se peindre, parce qu'il y a un autoportrait, nous pouvons le regarder autant que lui nous regarde. On n'est pas dans ce que sera plus tard Picasso, justement, où là on est dans un visage qui est complètement fabriqué, qui est défait, qui n'est pas le visage tel qu'il pouvait le voir dans le miroir. Ça reste quand même, cher Rembrandt, ce visage qui semble malgré tout assez réaliste. Oui, on peut parler de réalisme en ce sens que, bien sûr, Rembrandt n'a pas peint dans ses autoportraits quelqu'un d'autre que lui, mais en même temps, la ressemblance avec soi est extrêmement flexible, est extrêmement variable, non seulement dans la même année, si vous prenez les portraits de très nombreux de l'année 1629 que je citais tout à l'heure, ou même les portraits des années 1650, 57, 58, qui sont également nombreux, vous vous apercevez que selon un tout petit biais, il suffit de très peu de choses, d'un tout petit angle. Tout change. Et tout change. Et vous ne reconnaissez pas véritablement le sujet en question. Parce que le sujet est en quelque sorte dévoré par quelque chose de plus que lui. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de sujet, bien sûr qu'il y a un sujet. Chacun a une carte d'identité d'une certaine façon, on ne peut pas y échapper. Carte d'identité étant une image, une métaphore. Chacun l'a, bien sûr, et Rembrandt comme tout le monde, il a été un peintre hollandais qui a eu du succès, qui a vendu des toiles sur les marchés, comme les autres. Mais en même temps, il n'y a qu'un Rembrandt. Il n'y a qu'un Rembrandt parce que derrière, il y a quelque chose de plus qui surgit du fond de la toile, du miroir, donc, et qui est l'inconnu. Que Malraux a bien mis en évidence, cette relation à l'inconnu. Non pas nécessairement au mystère. Moi, je suis pas de ceux qui recherchent chez Rembrandt du mystère. Beaucoup plus de l'énigme. Beaucoup plus cette aporie devant le vide. Cette sorte de stupeur. J'ai parlé d'effarement. Oui. Comme on le voit dans la gravure, dans la toute petite gravure de 1630. Qui est minuscule, qui est grande comme un gros timbre de collection, qui doit faire quoi, 4 sur 5 centimètres, et où vous avez ce jeune homme aux yeux hagards. Il y a quelque chose d'hagard, il y a quelque chose de stupéfait, il y a quelque chose qui laisse un peu la bouche entrouverte dans toutes les faces de Rembrandt. Et c'est là où je vois l'interpellation de la question « Que suis-je ?» Et quelle différence faites-vous entre le mystère et l'énigme? Ben, le mystère est toujours plus ou moins relié au sacré, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins connoté ou encerclé, emprisonné dans un message religieux. Alors que l'énigme, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse. On présuppose qu'il y en a une quand même. Ben, l'énigme, on se dit qu'on va pouvoir la résoudre. Oui, mais ça, c'est à mon avis, c'est un emploi du mot énigme qui est un petit peu discutable. Si on prend certains portraits vraiment précisément, essayons de voir comment la technique du clair-obscur est mise au service de ces autoportraits, parce que certains semblent dévorés par l'ombre. J'ai sous les yeux un portrait de 1628, c'est sans doute d'ailleurs le premier autoportrait connu du peintre. La moitié du visage est dans l'ombre, la lumière arrive sur la joue sur et la sur joue. Le cou. Exactement. Donc on voit l'oreille, on voit même de l'ombre, l'ombre de l'oreille sur la joue, oui. Tellement la lumière, on le voit, vient de l'arrière. La joue elle-même, le cou, mais les traits du visage et même l'œil droit, on le devine à peine dans l'ombre. Oui, et alors là c'est un magnifique jeu d'ombre et de lumière. Et dans ce tableau et dans d'autres également de la même époque, il faut pas oublier un acteur, un actant très important sur lequel Claudel a appelé l'attention de tout le monde, c'est les cheveux. Les cheveux qui sont ébouriffés et qui sont en même temps translucides. On voit presque de temps en temps un cheveu qui sort de ce paquet de cheveux, cette masse de cheveux ébouriffés qu'il y a sur la tête du jeune homme, qui en même temps, c'est vrai, a la joue... la joue illuminée ainsi qu'une partie du cou, alors que tout l'autre côté du visage est en effet dans l'ombre. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que Rembrandt va continuer de pratiquer, y compris dans les autoportraits plus tardifs. À propos des chapeaux, vous avez remarqué que les portraits à partir de 1650, ils sont tous avec d'énormes chapeaux. Oui. Celui de Vienne, qui est mon préféré, vous l'avez deviné, et qui d'ailleurs est au centre de la peinture effarée, celui de Vienne comporte un immense chapeau. Donc celui avec le visage, disons, boursouflé. Voilà, voilà. Et Claudel a eu ce mot, il dit « Ah, les chapeaux de la peinture hollandaise, et en particulier de Rembrandt, ce sont des grands oiseaux qui ventilent la peinture hollandaise. » Claudel, puisque vous en parlez, le voici. Tous ces portraits autour de nous, ce ne sont pas des documents humains, étudiés et élaborés avec l'application d'un historien ou d'un moraliste. Ces hommes, ces femmes, ils ont fait connaissance avec la nuit. Ils reviennent vers nous, moins repoussés qu'arrêtés par un milieu plus dense. Tout baignés d'une lumière empruntée à la mémoire, ils ont pris conscience d'eux-mêmes. De là vient cette atmosphère toute spéciale qui s'exhale des tableaux et de la gravure de Rembrandt, celle du songe. De ces excursions en profondeur, les personnages de Rembrandt reviennent altérés, chargés d'étranges dépouilles. On dirait qu'ils prennent plaisir à nous dérouter, à assumer un costume qui ne leur appartient pas, à mélanger les moments et l'image à l'imaginaire. Ces portraits ne sont pas des documents d'archives, hein. Ces tableaux sont dignes d'un songe, d'une nuit, dit Paul Claudel, c'était en 1948. Voyez, Michel Guérin, comme il est difficile de parler de Rembrandt, de son rapport à la temporalité, hors de toute forme de réalisme ou de représentation, sans postuler quand même l'existence d'une étrangeté, voire d'un au-delà. On est toujours sur le point de basculer vers autre chose. Oui, mais je ne dirais pas que Rembrandt est un agnostique. Je pense que Rembrandt est un chrétien, comme la plupart des hommes de cette époque, et que la forme de spiritualité, son rapport à la transcendance et son rapport à l'infini, passe en effet par la religion chrétienne. Et d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, il a peint de nombreuses scènes bien sûr bibliques. Donc, de ce point de vue-là, il y a absolument... Mais pas tellement du point de vue de la religion que du point de vue, je pense, à la manière qu'avait Claudel de décrire ces autoportraits comme étant mystérieux, comme étant des songes obscurs, alors que vous insistez sur leur pure présence, sur le signe de la temporalité. Oui. Et j'y vois là un paradoxe. Mais pas vraiment, parce que la présence est la chair. Et la chair, qui en a mieux témoigné que le Christ ? Ce mélange justement de ce verbum caro factum, ce verbe fait chair. Un des derniers autoportraits de Rembrandt, Rembrandt en apôtre Paul, comporte, vous l'avez remarqué, un écrit. Une grande partie du tableau est constituée par un livre. Ce livre, c'est à la fois la fondation de l'écriture et du christianisme comme tel, qui est l'œuvre de Paul. Donc oui, bien sûr, Rembrandt indéniablement est chrétien. Il est chrétien par le Christ, il est chrétien par son sens de la chair, par son sens du péché. La chair, c'est à la fois la chute, je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi la rédemption. Mais sans forcément parler de christianisme, ce dont parle Claudel, c'est d'un songe, d'une... Non, non, mais quand je dis christianisme, je pense moins à la religion chrétienne qu'à certains aspects du christianisme qui renvoient directement à l'incarnation. Voilà, au fond, l'essentiel quand même du christianisme, qu'on le veuille ou non, c'est le mystère de l'incarnation. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est le problème de la chair. C'est le fait que la cupiditas et la caritas soient des jumelles. Personne ne l'a dit mieux que Pascal dans cette pensée extraordinaire que je vous livre. Pascal dit « Rien n'est si semblable à la charité que la cupidité et rien n'est si contraire ». Donc le mystère, il est là. Il est dans cette sorte de séparation, de scission, mais de scission unaire au sein du même dans la chair. Et ça, on le retrouve chez Rembrandt ? Ah bah oui, là, on le retrouve chez Rembrandt. Il y a le Rembrandt de la concupiscence, il y a le Rembrandt de la parure, des apparences, du luxe, de l'érotisme. Écoutez, une peinture comme la Bethsabée ou comme la Danaé, plus ancienne, sont des peintures qui sont d'une lubricité ou d'un érotisme extraordinaire. Enfin, moi, je trouve. Donc là, on a une vision de la chair qui est une vision érotique, qui est une vision libidinale. Ne parlons même pas du bœuf écorché. Il y a quand même un sens de la chair et de la bonne chair. Et du vin, des femmes, enfin bref, de tout ce qui fait l'épicurisme, disons, au sens vulgaire du terme, hein, pas au sens philosophique. Et puis d'un autre côté, la chair, c'est ce qui fait qu'un homme est mortel, c'est ce qui le rend passible, passibilis et mortalis, c'est ce qui l'expose au temps. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'il y a là quelque chose d'intime, de solitaire, qui ne peut pas se vivre avec les autres. Qui n'est que la question même de ma présence au monde, sur Terre. Que suis-je, encore une fois ? Et là, Dieu est bien loin, dans les autoportraits. Dieu C'est le portrait d'un homme sans Dieu, d'un homme qui se regarde et qui voit qu'il s'échappe à lui-même dans la temporalité nécessairement finie. Dire de Rembrandt que c'est un homme sans Dieu, j'en sais rien. Dans ces autoportraits. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le recours à Dieu, le Dieu de la religion, le Dieu... chef en quelque sorte de tout un système de la transcendance, non, je ne crois pas que ce soit dominant. Mais en revanche, Rembrandt, je répète, est chrétien dans le sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire au sens où il a le sentiment de la chair et de l'ambiguïté, de l'ambivalence de la chair. La chair, c'est ce qui choit, c'est ce qui chute, mais en même temps, c'est ce qui a vocation à être rédimé. C'est ce qui a vocation à la rédemption. Et d'une certaine façon, l'œuvre picturale de Rembrandt, à travers les autoportraits, est une rédemption continuée. Une rédemption ? Oui, une rédemption par la peinture. On y voit aussi, on a insisté sur le fait que les autoportraits étaient aussi une manière de peindre l'acte de regarder. On y voit ce sur quoi vous insistiez en début d'émission, ce qu'on pourrait appeler une forme d'étonnement. Il y a quand même un étonnement dans ce regard, comme si rien n'allait de soi et rien n'était acquis. C'est tout à fait ça. C'est, moi, j'ai parlé d'effarement. C'est un degré encore au-dessus de l'étonnement. L'étonnement est plus doux. L'étonnement est plus. Oui, l'étonnement est plus doux. Et surtout, l'étonnement, il suppose que on va avoir l'explication. C'est-à-dire, on est surpris, mais on est surpris parce que ce qui arrive, l'événement qui se produit est autre par rapport à ce qui se passait auparavant ou ce qu'on attendait. Mais on va avoir l'explication. Alors que l'effarement, c'est que on est surpris de quelque chose qui ne devrait pas nous surprendre. C'est-à-dire que nous savons très bien que nous sommes mortels. Nous savons très bien que quand nous nous regardons et que nous perdons le sens des convenances sociales, de nos entours, etc., nous savons très bien que nous sommes face à un vertige, face à quelque chose qui nous attire vers le bas, vers le gouffre. Mais nous ne savions pas que nous le savions si bien. C'est un peu ça, l'effarement. C'est le début de la philosophie. Voilà, c'est un petit peu le paradoxe de l'effarement. La peinture effarée, c'est le titre de votre livre, en tout cas, Michel Guérin. Rembrandt et l'autoportrait. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin. Peint en noir, il faut tout peindre en noir. Merci. C'est ce que chantent les Rolling Stones. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself, my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. Pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez entendu un mot qui vous a interpellé. Et ce mot, c'est kairos. Fasciné par ce concept philosophique qui désigne l'occasion à saisir et qu'on croise peu en dehors des salles de classe et des livres d'Aristote, il a été employé par un médecin face à Emmanuel Macron jeudi dernier, alors que le président s'était rendu à la Pitié-Salpêtrière en pleine épidémie et crise des hôpitaux publics. Que veut-il dire? À quel moment employer ce terme de kairos? Et en parler, n'est-ce pas déjà le manquer? Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. On est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni. C'est le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que kairos, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, oui, c'est maintenant. Il faut saisir. Qu'est-ce que le kairos? L'occasion est assez rare pour la saisir et pour se demander ce qu'il veut dire. Alors c'est vrai qu'habituellement, on parle plutôt de bon moment, d'instant T ou d'opportunité à saisir. Des paraphrases qui font penser à des pubs pour des marques de sport ou à des slogans pour faire des placements financiers ou des avancements de carrière. Alors certes, le terme de kairos s'y prête, il y a quelque chose de l'opportunisme étant par définition le temps de l'occasion opportune. En creusant un peu, on rencontre d'ailleurs très vite son opposé, le temps linéaire, chronos, et l'aion, ou le temps très long de la génération de l'ère qui touche à la destinée, voire à l'éternité. À côté, il y a donc ce kairos. ponctuel. Cet instant plein de promesses qui ne se prévoit pas, qui ne s'installe pas, mais tient à l'acuité de chacun pour le saisir sur le moment, sous peine qu'il disparaisse instantanément et définitivement. Pour moi, le Kairos, c'est d'ailleurs plutôt ça, la source de toutes ces ruminations coupables qu'on a dans son lit, et qu'Emmanuel Macron a peut-être lui aussi dans son lit quand on se dit avant de s'endormir « pourquoi je n'ai pas dit ça » ou « j'aurais dû faire ça ». La situation est donc paradoxale, parler de Kairos, y réfléchir, pousser l'autre à le saisir, n'est-ce pas déjà trop tard ? Qu'il s'agisse de sa vie ou de l'hôpital, n'est-ce pas déjà une défaite, le signe de l'occasion ratée ? Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous ? Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez l'inverse compter sur reste, moi. Reste à prouver. Non, non, je vous crois sur parole. D'accord, très bien. Et ben moi aussi. C'est pareil. Ok. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote consacre plusieurs pages à la prudence, cette vertu qui permet de faire des choix éclairés dans des circonstances particulières, à un endroit donné, à un instant T, dans une situation de kairos donc. La prudence, ou phronésie en grec, porte sur les choses singulières par opposition à la sagesse théorique qui porte sur les objets universels. Relevant en premier lieu d'un art politique, elle concerne ainsi l'action, mais d'abord la délibération. Et c'est une chose que je n'ai jamais comprise. Si le kairos est le moment opportun, a-t-on vraiment le temps de délibérer ? A-t-on vraiment le loisir de tergiverser, d'écouter les points de vue, de les confronter, de les équilibrer et d'en faire une synthèse ? L'agenda politique qu'on dit intense l'est-il assez pour traiter les urgences comme celles de l'hôpital public ? Ce problème est précisément temporel. A-t-on vraiment le temps de cultiver la prudence et de devenir un expert rapide et efficace dans l'art de saisir les occasions ? Car les choses singulières étant singulières, on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas user du raisonnement qu'on a dans les sciences. Alors, comment faire ? Y a-t-il un art, pas seulement politique, mais des exercices permettant d'apercevoir ces opportunités pour mieux les attraper et les traiter ? La seule force dont nous pouvons, dont nous devons nous réclamer, c'est la force de la France, c'est la force des Français. C'est celle-là qui doit nous guider. Dans quelques mois, à l'occasion de l'élection présidentielle, une opportunité nous est offerte, celle de refuser enfin le statu quo pour choisir d'avancer. C'est vrai que certains moments s'annoncent de fait comme des moments clés, des tournants. Ce sont par exemple des élections présidentielles, des décisions à prendre, politiques mais aussi existentielles. Comment prendre la bonne décision à ces moments-là ? Comment saisir ce kairos ? Comment savoir d'ailleurs qu'il s'agit vraiment d'un kairos ou juste d'un petit événement pour donner une orientation nouvelle à notre existence ? En lisant ce livre 6 de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, je suis alors tombée sur la mention de cette faculté, la justesse de coup d'œil ou vivacité d'esprit, une sorte de divination qui se passe du raisonnement. Et ça m'a rassurée, alors pas pour l'hôpital, mais pour moi. Le kairos m'est alors apparu comme un moment que l'on saisit comme ça, presque magiquement. Il n'y a pas des occasions que j'aurais ainsi bêtement ratées, seulement des occasions que j'aurais laissées passer. Pour les hommes politiques et l'art de saisir le kairos, il reste en revanche toute la fin de ce livre 6 à lire. À lire donc, merci Géraldine, et à réécouter, ça c'est votre chronique sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie. Cette semaine, Lou Quevauvillier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine en faisant des grands gestes, Jacques Hubert à sa gauche qui est très patient, Hélène Losseur qui prête sa voix à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le visage, visage, visage. Eh bien demain, on se demandera... De l'autoportrait au selfie, comment ne pas perdre la face, ce sera en compagnie de la philosophe Marion Zilio. D'ici là, pour écouter cette émission sur Rembrandt et les autoportraits, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.